Zygomar, livre 6e, par Léon Sazy. La femme rousse, 3e partie, My Darling. Chapitre 1er, le grand sommeil. Le vieux Joseph, comme tous les matins, entra vers 8 heures dans la chambre de son maître. Sur un plateau, il portait le petit déjeuner, des rôtis, du beurre et du chocolat. Joseph déposa le tout sur un guéridon rond en acajou du plus pur style Louis-Philippe, ce qui dénotait bien la mentalité artistique du maître du logis. Pour déposer son plateau, Joseph plia un tapis vert chiné, aux franges usées, dans lequel il roula un jeu de cartes crasseuses, écornées, témoignant d'un long usage et d'une forte avarice. L'ancien banquier, M. Thénin, en effet, quoique très riche, passait pour être plus qu'économe et n'aimait pas sortir son argent. Généralement, Joseph, en entrant, entendait son maître lui crier joyeusement un bonjour, lui demander le temps qu'il faisait dehors. Rares étaient les matins où, comme aujourd'hui, son maître dormait encore quand il pénétrait dans la chambre. Joseph avait la consigne, quand pareil cas se présentait, de ne pas avoir de scrupules et d'éveiller le dormeur. En rangeant le tapis et les cartes, Joseph se disait « Ah, monsieur a encore fait hier soir une grande partie avec monsieur Charles, une partie mouvementée pour dormir si fort ce matin. » Joseph, alors, ayant déposé son plateau sur le guéridon, alla tirer les rideaux décroisés. « Là, » fit-il à haute voix, « voilà du jour. Monsieur, il fait beau temps, il est même du soleil. Allons, réveillez-vous. » Avec cette affectueuse familiarité dont les vieux serviteurs d'autrefois étaient si heureux, il ajouta « Monsieur, il faut vous lever. Votre chocolat va refroidir. Et vous savez, quand vous le prenez froid, il vous reste sur l'estomac, et vous êtes de mauvaise humeur toute la journée. » S'approchant du lit, Joseph heurta du doigt sur le bois au panneau du pied comme s'il frappa une porte. Il s'attendait à entendre son maître lui crier « ça va, Joseph, je suis réveillé. » Mais ce fut le grognement d'un chien qui répondit « Ah, Pyram !» fit le vieux serviteur. « Tu es là, toi, mon bon toutou. Eh bien, réveille ton maître, qui a ce matin le sommeil par trop dur. » Pyram grogna un peu plus fort, plus longuement, et son grognement avait comme l'intonation d'une plainte. Quelque peu anxieux maintenant, le vieux Joseph se décida à tirer les rideaux du lit. Un grand étonnement l'attendait. Le lit était vide, M. Thénin ne s'y trouvait pas. Seul le chien couché sous l'édredon levait la tête et, grognant, les babines relevées, montrant ses crocs, semblait vouloir défendre qu'on approche. Joseph alors appela. « Monsieur, monsieur !» Le lit se trouvait dans l'état où lui, Joseph, la veille l'avait laissé, rabattant les couvertures pour que son maître puisse s'y coucher. Et tout indiquait que M. Thénin n'était pas entré dans ses draps. « Monsieur !» appela encore Joseph, maintenant pris de peur. Il chercha par la chambre, suivi des yeux par le chien qui, maintenant dressé sur ses pattes, ne grognait plus, mais poussait ce long et douloureux cri des chiens qui, disent les bonnes gens, aboient la mort. Joseph, de plus en plus apeuré, fit le tour de la chambre et finit par apercevoir à terre, derrière un sofa, le corps de son maître. Le vieux serviteur se pencha. « Monsieur, monsieur » appela-t-il de nouveau. Il prit la main de M. Thénin, souleva le bras, la main était glacée, et quand il la relâcha, le bras retomba, raide. « Mort ?» s'écria Joseph en se précipitant hors de la chambre. « Mort ?» Il cria, perdant la tête. « Au secours ! Au secours ! Monsieur est mort !» La vieille Marceline, femme de Joseph, qui remplissait depuis aussi longtemps que son mari, celle de valet de chambre auprès de M. Thénin, la fonction de cuisinière, accourut. Les deux vieux serviteurs constituaient tout le service de M. Thénin, et elle constata également la mort de leur maître. M. Thénin avait encore sa robe de chambre et ses pantoufles. Donc, tout faisait supposer que c'était au moment où il allait se coucher que la mort l'avait frappé. « Peut-être une congestion cérébrale, » dit Joseph, « peut-être une attaque d'apoplexie, peut-être une embolie au cœur. » « Faut laisser ce pauvre cher homme comme ça, » dit Marceline, « et aller prévenir la police. »